Stop music. Sound System, bienvenue à toi si tu nous écoutes. Tu es calé fréquence 95.30 pour le meilleur de la musique électronique avec une émission ce matin entre 10h et midi. C'est Sound System, le ping-pong entre la nouveauté et les souvenirs rétro. On va démarrer dans quelques secondes avec un remix de Sébastien Léger du morceau de Justin Timberlake. Juste avant, on fera un petit tour d'horizon tout à l'heure aux alentours des 11h des principales informations de proximité avec Stéphane Laroche. On fera également un petit tour du côté de l'agenda des soirées avec les principales soirées pour ce samedi 3 mars. Et puis vous pouvez m'appeler tout au long de l'émission 03 20 83 57 57 pour connaître la référence de tous les morceaux diffusés. On commence tout de suite avec Justin Timberlake et puis juste après un peu de rétro. C'est parti. Galaxy. Galaxy. Music for happy people. Happy. Sound system. Sound system. Sound system. Comes all the way back around. What goes around, goes around, goes around, comes all the way back around. girl. I remember everything that you claimed. You said that you were moving on now. Maybe I should do the same. Maybe I should do the same. Funny thing about that is I was ready to give you my name. Thought it was me and you, baby. And now it's all just a shame. And I guess I was wrong. System, un morceau découvert la semaine dernière signé de Justin Timberlake, ça c'est pour la version originale avec What Goes Around, remixé par le français Sébastien Léger, excellent morceau coup de cœur du moment. On continue en rétro avec un petit souvenir, à toi de deviner la référence du morceau. C'était sorti en 1994 et on enchaîne juste après avec de la nouveauté encore, le groupe Clubber Vision et l'excellent morceau Blue Pills. Il est 10h10 sur Galaxy. Galaxy, Galaxy. Don't stop music. Sound System, Jérémy sur Galaxy. Galaxy, bienvenue sur la planète Sound System avec à l'instant les Clubber Vision et leur morceau Blue Pills qui est compilé sur pas mal d'albums et que tu retrouves notamment en vinyle sur une production du label Global Underground After Hours Part 2, un vinyle qui regroupe également le morceau de Clubber Vision mais aussi d'autres titres. Il y a 4 titres au total, tu retrouves aussi Kevin Swain, Radioactive Man et Charlie pour le morceau Spacer Woman, toujours dans le même style un peu Electro House. On continue en musique et en rétro, comme d'habitude c'est le principe de notre émission, le ping-pong entre la nouveauté d'un côté et puis les souvenirs de l'autre, souvenirs électroniques, avec tout de suite une production du label Banzai. On va jumper, amis jumpers, préparez vos baskets, c'est parti. Music remains on top. Sur Galaxy et souvenir à l'instant du label Banzai avec le groupe Crowd Control et le morceau Transformer, direction la nouveauté avec Greg Go et le morceau The Warning sorti il y a quelques jours. Galaxy, Galaxy. Don't stop music. Phase one. Galaxy Sound System, fréquence 95-30, avec à l'instant une production du label Restricted Music, avec l'artiste Greg Go pour le morceau The Warning, un vinyle sur lequel tu retrouves également des remixes de Matteo Murphy qui sonnent plutôt rétro, même si c'est une nouveauté. 10h30, tout de suite, l'agenda intergalactique présenté par Stéphane Laroche avec le meilleur des informations de proximité. On se retrouve juste après avec Moby Hymn, ça c'est du côté de la rétro. Et puis on fera un tour d'horizon tout à l'heure des principales soirées marquantes pour ce week-end. Galaxy. Galaxy. Les 9, 10 et 11 mars prochains, la compagnie Armix présentera son spectacle de théâtre « Les naufragés de l'espace » au Forum départemental des sciences de Villeneuve-d'Ascq. 4 représentations sont prévues pendant le week-end, vendredi 9 mars, 14h et 16h, samedi 10 mars, 16h ou encore dimanche 11 mars, 16h. Spectacle tout public, plus d'infos, 03 20 19 36 00 ou forum-des-sciences.fr. Eddie and the Hot Rose en concert le vendredi 9 mars, 20h30 à la boîte à musique de Waterloo. Ce groupe anglais très inspiré des années 70 déversera sa musique punk rock l'espace d'une soirée survoltée. La première partie sera assurée par BP Zoom, composé de 4 jeunes gens qui ont de l'énergie à revendre. Renseignements 03 20 75 85 86. Pour en savoir plus sur le groupe, allez surfer sur eddieandtheoutroad.com. 37e salon des artistes du 10 au 25 mars prochain au centre socio-éducatif de Waterloo. Une édition organisée par l'Atelier des Arts qui met à l'honneur l'art moderne. 350 peintures et sculptures qui vous feront voyager dans les mondes imaginaires proposés par des artistes waterloosiens ou des environs. Entrée libre, plus d'infos 03 20 802 820. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, Claire Diterzi sera en concert ce jeudi 8 mars, 20h30, à la boîte à musique waterloosienne. Auteur, compositeur et interprète, Claire Diterzi impose sa singularité avec ses textes à la fois fluides, lumineux et lyriques. Infoline 03 20 75 85 86. Pour découvrir Claire sur le web, c'est clairediterzi.fr. Retrouvez toutes ces infos et bien d'autres encore sur galaxyfm.com. Galaxy. We'll be right back. Jérémy sur Galaxy, sur Galaxy, sur Galaxy, sur Galaxy. Remains on top. Sound system. Sound system. Galaxy Sound System, 10h45, fréquence 95-30 et le meilleur de la musique électronique avec à l'instant Aurora Borealis et le morceau de Milky Way. On fait un break au niveau de la rétro, le temps de faire un tour d'horizon des principales soirées marquantes pour ce week-end avec tout d'abord du côté du Bliss Club, soirée résident avec DJ 6PO et Jérôme B. À la bûche, le concept Electrochoc avec Samuel Sanders, Frank J et DJ Chronique. Au complexe, ça se trouve entre Saint-Nicolas, Gand et Anvers en Belgique. Une soirée style Jump Style et Textile avec les résidents Ronald V, Kuhn, QIC, Dark E et Defeat. À l'Escape, soirée spéciale avec la Diamond Cocktail Prestige, 10 diamants offerts tout au long de la soirée et une musique mixée par les résidents Dave, Luke, Kevin et Huggy Hunton. À l'H2O, H2O Party avec le trio des résidents Chris, Johan et Simai. Au Colosso, soirée résident avec Max Walder. Et puis on termine avec le Pulse Factory Lawrence Club, soirée Sens Interdit, Concept for Ladies avec les résidents Laurent Top, CP, Michael Forza et puis Andrew. Tu retrouves toutes ces informations sur le www.galaxyfm.com, rubrique information soirée. On continue en musique et en nouveauté avec l'excellent morceau que l'on a découvert la semaine dernière, signé de Tracy Thorn. Ça s'appelle It's All True et c'est remixé par Kid Menace, une version Electro House. Galaxy. Galaxy. Music for happy people. Happy people. Happy people. Thank you. Galaxy Sound System. Vous aurez reconnu certainement la voix de Tracy Thorn. C'est la chanteuse d'Everything But The Girl avec son dernier morceau It's All True. On s'est écouté une version remixée par Kid Menas que je vous conseille très fortement. C'est un de mes coups de cœur du moment. On l'avait découvert la semaine dernière. Direction la rétro, les souvenirs avec une production du label Banzai, le groupe Blue Alphabet et Cybertrans. Et n'oublie pas que d'ici moins de 10 minutes à 11h, on fera un petit jeu ensemble. Je te ferai remporter un kit vinyle, 3 morceaux, 3 vinyles choisis dans la playlist de Galaxy au 03 20 83 57 57. Les cadeaux, c'est tout à l'heure au cap des 11h. Et on fera également un petit tour d'horizon de la nouvelle rubrique de l'émission, la rubrique Rétro Zap, c'est-à-dire 5 minutes de morceaux, d'extraits de morceaux rétro compilés dans un petit zapping. Je vous réexplique ça tout à l'heure au cap des 11h. Tout de suite, c'est Cybertrans, les Banzai avec le groupe Blue Alphabet. Galaxy, Galaxy. Music for happy people. Happy people. Happy people. music remains on top. Bienvenue à toi si tu viens de te connecter sur la planète Sound System, fréquence 95.3 sur Galaxy FM, le meilleur de la musique électronique. En découverte, Camille Jones avec son morceau The Creeps en version remixée. 11h, place à la nouvelle rubrique de l'émission. On avait démarré la semaine dernière, ça s'appelle le Retro Zap. En 5 minutes, des courts extraits de musique rétro, de souvenirs. Pendant 5 minutes, on va faire un petit tour d'horizon ensemble des musiques préférées d'un des membres du portail de Galaxy. Le portail www.soundsystem.fr.fm, on lui a demandé, j'ai demandé à un des membres de me concocter un petit zapping rétro, c'est-à-dire une petite compilation de 5 minutes de ses morceaux préférés. Toutes les semaines, on fera ça au top horaire des 11h, un rétro zap, comme je l'ai appelé. On démarre cette semaine avec Kimbo. Kimbo qui nous a concocté 5 minutes de pur plaisir, de pur rétro. On découvre ça tout de suite. Galaxy, out of time, of time. This is how that funk builds. Groove a modern style. Speed, on termine vraiment avec du Banzai, c'est plutôt pas mal. C'était le Zap Rétro composé par Kimbo. Si toi aussi tu as envie de composer ton Zap Rétro, bah, n'hésite pas, tu te connectes sur le portail de Galaxy, www.soundsystem.fr.fm. Tu m'envoies un petit message, la playlist que tu souhaites faire, et puis je diffuse ton Zap Rétro, pas de soucis. La semaine prochaine, on accueillera Reverse pour le Zap Rétro. C'est parti. Galaxy. Galaxy. Don't stop music. C'est parti avec le coup de cœur justement, Giorgio Prezioso versus Libex. On s'écoute la version remixée par Sébastien Léger. C'est mon coup de cœur et c'est sorti sur le label Pride of Friends. Music for happy people. Happy people. Come on, everybody. Everybody move your body, ain't no music remains on top. Sound system. There was quiet in Baghdad after the first 2 or 3 hours of attack. The sky was lit then by almost constant streams of anti-aircraft fire, red and yellow, looping and swirling across the blue-gray of the night. Bright flashes illuminated the horizon. There was what could have been a direct hit on a fire chase. Yellow light.

Galaxy Sound System, à l'instant, un excellent morceau, tous à vos stylos pour noter la référence. Catapilla, ça c'est le nom du groupe, avec le morceau Void, I Need You, une version remixée par Mr. Sam, un grand, grand classique. On va faire un petit break au niveau de la musique, le temps de se passer le zap rétro de la semaine dernière, puisque certains d'entre vous me l'ont redemandé par l'intermédiaire du mail et du site web de l'émission, www.soundsystem.fr.fm. Émission interactive donc, où chacun des membres du portail peut contribuer au contenu de l'émission. Il suffit simplement de constituer un petit zapping rétro, c'est-à-dire pendant 5 minutes, vous me mettez à la suite vos morceaux rétro préférés, et puis je les diffuse tout au long de l'émission. La semaine dernière, on avait ouvert le bal avec la composition de Aeris, et on se la réécoute justement, Aeris, qui commence avec un excellent DJ HS House of God. Galaxy. Galaxy. Don't stop music. I am excited. Galaxy Sound System. Voilà, merci à Aeris qui m'a composé ce Retro Zap rien que pour l'émission, rien que pour vous. Tout à l'heure, au cap des 11h, on s'était écouté le Retro Zap signé de Kimbo. La semaine prochaine, on découvrira d'autres Retro Zap. Et puis, n'hésite pas, si tu as envie de composer le tien et que tu souhaites le diffuser pendant notre émission, tu me contactes sur internet www.soundsystem.fr.fm ou sur le mail de Galaxy, info@galaxyfm.com pour Jérémy. Et puis, on se met ça ensemble, on se fixe ça tous les deux. À bientôt, et puis à bientôt le Retro Zap, à bientôt Aeris, à bientôt les autres. On découvrira la semaine prochaine Reverse et puis DJ2T1. Je vous en dis pas plus parce que celui de DJ2T1 est plutôt pas mal. Et si vous avez envie de composer le vôtre, donc vous m'envoyez le petit mail, le petit message sur le site de Galaxy. Et puis là maintenant, on va s'écouter un grand souvenir, début des années 90, Aqua Contact avec La Sirène, Laisse-toi emporter. Thank you. music remains on top. We'll be right back. Galaxy, Sound System, fréquence 95-30, 11h57. Tu viens d'écouter un grand classique, Global Transmission 1 avec le morceau Dream Mission. Place tout de suite à Dance to Trance, un autre grand classique avec Power of American Natives. On termine sur ça. Et puis tout à l'heure, dans quelques minutes, ce sera Jimmy qui s'y colle aux platines de Galaxy jusqu'à 14h pour son concept Spiritual Choice. A tout de suite. Galaxy. Galaxy. Music. For happy people. Happy people. Happy people. Fréquence 95-30, on termine avec plaisir cette émission à l'écoute de ce morceau Dance to Trance, Power of American Natives. On fait un bref tour d'horizon des principales soirées marquantes pour ce samedi 3 mars avec du côté du Bliss Club, concept résident avec au platine le duo DJ 6PO et Jérôme B à la bûche. Le concept électrochoc avec Samuel Sanders, Frank J et DJ Chronique. Au complexe, ça se trouve à Saint-Nicolas en Belgique. Une soirée style jump style et textile avec Ronald V, Kuhn, QIC, Darky et Défite. À l'Escape, la Diamond Cocktail Prestige avec 10 diamants offerts dans la soirée. Et les résidents Dave, Luc, Kevin et Huggy Anton. À l'H2O, H2O Party avec Chris, Johan et Simai. Au Colosso, soirée résident avec Max Walder. Et on termine avec le Pulse Factory Lawrence Club, la soirée sans interdit, un concept exclusivement réservé aux filles avec les résidents Laurent Top, CP, Michael Forza et puis Andrew. Tu retrouves toutes ces informations sur les soirées directement en un clic sur le www.galaxyfm.com, rubrique information soirée. Ainsi s'achève notre émission Sound System. On était en direct jusque midi. Rendez-vous sur le site web de l'émission www.soundsystem.fr.fm pour retrouver toute l'actualité de l'émission, les différents morceaux diffusés depuis 10h ce matin. Et puis bien entendu, si tu souhaites participer à cette nouvelle rubrique interactive, la rubrique Retro Zap, et mixer et me concocter 5 minutes d'un petit zapping avec différents extraits de morceaux rétro, n'hésite pas à me contacter donc via le site en m'envoyant un petit mail. On se fixe ça pour une prochaine émission. Le Retro Zap cette semaine, c'était Iris et Kimbo. La semaine prochaine, on aura rendez-vous avec Reverse et DJ 2T1. Voilà, je vous laisse en compagnie de Jimmy pour une spéciale rétro aujourd'hui avec DJ Mano qui va l'accompagner jusqu'à 14h pour leur concept Spiritual Choice. À bientôt, ciao.